9, 1, 9, 2, 9, 3, 9, 4, 9, 5, 7, 5, 7, 7, 7, 8, banlieue française. Bah ouais, négro, on enchaîne, nous. Bandeuse à Rennais, pas de travail, pas de diplôme, pas de maille. On fait des trucs de ouf pour s'en sortir. Bah ouais, bande de bâtards, vous voulez tout prendre, rien nous laisser, vous êtes des ouf. Bah ouais, on a la dalle, nous aussi. Fuck that, hein, hein. Et on croirait dans le bronze, c'est hardcore comme on concède. De ranger tes ongles, on vient inonder tes ondes. C'est un mec de banlieue, ça vient de la rue, de la cave, de la street. On a les couilles, les tripes, t'inquiète pas, on en a marre. Marre des cités dortoirs, HLM, ascenseur, toujours HS, cage d'escalier. On est souvent entassé, morale entamée, endiablé, ensorcelé. On va craquer, on est 3, 4, voire 5 dans la même piole. Je dois faire mes devoirs, tu t'étonnes que j'ai pas de diplôme. Tu déconnes, j'espère, tu t'étonnes qu'en vente du shit, barrette. Kilotonne, j'ai pas même un diplôme, pas même le brevet des collèges. Non, non, non, je pensais qu'à frapper mes collègues. Diplômé de la rue, je suis, tu es, nous sommes banlieusards. Banlieue française, marre des cités dortoirs, HLM, ascenseur, toujours HS. Banlieue française, on graille la même bouffe, 7 jours sur 7, trop de bouche à nourrir, mec. Banlieue française, on est 3, 4, voire 5 dans la même piole, ça t'étonne. Banlieue française. Diplômé de la rue, je suis, tu es, nous sommes banlieues. Putain, ça t'explique, tu traînes déjà, trop turbulent, tout s'explique. Du nord au sud, les mêmes répliques, les mêmes équipes, au moins on est quitte. Les mêmes échanges, les mêmes échecs, prise de tête. Adolescent, têtu, adolescent, incompris, inconscient. On pète les plombs, on graille la même bouffe, 7 jours sur 7, trop de bouche à nourrir. Faut faire la queue pour prendre une douche, presque, trouve ça louche, mec. Normal qu'on te jalouse, faut que tu comprennes qu'on va tout niquer. C'est la guerre, cousin. Préparer les armes et les pansements. Laisser de côté les larmes et les pincements au cœur. On va servir nous-mêmes, on va plus gêner, on va craquer. Diplômé de la rue, je suis, tu es, nous sommes banlieusards. Banlieue française, marre des cités dortoirs, HLM, ascenseur, toujours HS. Banlieue française, on graille la même bouffe, 7 jours sur 7, trop de bouche à nourrir, mec. Banlieue française, on est 3, 4, voire 5 dans la même piole, ça t'étonne. Banlieue française. Diplômé de la rue, je suis, tu es, nous sommes banlieusards. Et on croirait dans un film, ils ont kidnappé le luxe, les bling bling, Mercedes, bref, les trucs dans le genre. Quand tu n'as pas de maille, quantifie ta haine. Quantité et bourgeoisie se rencontrent, ça fait. Quantité de jalousie, tu te rends compte. En effet, tu n'as rien, mais tu veux l'or du monde. En effet, mais le film de la vie nous endurcit. En effet, d'un mauvais sentiment qui surgit. En effet, tu jamais rien pour rien, c'est la vie. On est fait comme des rats, pas un conte de fées, tu me diras. On en a marre, marre de ramasser les miens. Les restes, les pièces, on veut des grosses fiasses, ouvriers. Parqués dans des cités dortoirs, HLM, nous sommes banlieusards, on va craquer. Diplômé de la rue, je suis, tu es, nous sommes banlieusards. 9, 1, 9, 2, 9, 3, 9, 4, 9, 5, 7, 5, 7, 7, 7, 8, banlieue française. Marre des cités dortoirs, HLM, ascenseur, toujours HS. Banlieue française, on graille la même bouffe, 7 jours sur 7, trop de bouche à nourrir, mec. Banlieue française, on est 3, 4, voire 5 dans la même piole, ça t'étonne. Banlieue française, diplômé de la rue, je suis, tu es, nous sommes banlieusards. Fuck that, hard, hard. Marre des cités dortoirs, HLM, ascenseur, toujours HS. DJ complexe, on graille la même bouffe, 7 jours sur 7, trop de bouche à nourrir, mec. Amen, flagada, on est 3, 4, voire 5 dans la même piole, ça t'étonne. Yeah, apotrache. Diplômé de la rue, je suis, tu es, nous sommes banlieusards. Banlieusards.